Le 23 octobre au Centre du Rocher, les centres de femmes de la région de Québec invitent toutes les femmes au cabaret festif Entre nous, un 6 à 9 féministe. Féministe? Oh, je le sais pas, moi, je... Mais oui, on peut être féministe et vivre différentes réalités. L'important, c'est qu'on s'entend sur un objectif commun, l'égalité entre toutes et tous. Ah oui? Ok, ça me parle. Et un centre de femmes, qu'est-ce que c'est exactement? Les centres de femmes cherchent à outiller les femmes et agissent pour améliorer leurs conditions de vie. C'est aussi un lieu pour s'entraider, partager, apprendre, s'informer et développer son potentiel. Mais c'est avant tout un lieu pour prendre soin de soi. Le cabaret festif Entre nous, un 6 à 9 féministe, le 23 octobre au Centre du Rocher. C'est gratuit. Informe-toi au 418-661-3535. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Et on a beaucoup de nouveautés puisque cette semaine, plusieurs albums paraissaient. Puis j'ai fait des découvertes pas mal dans les dernières semaines. On a d'ailleurs un nouveau groupe italien, Marble House, qui s'est chanté en anglais. Leur nouvel album Embers, on a une pièce de ça. On a le nouveau Sindone. Michel vous en a fait jouer un premier extrait la semaine dernière, puis Misoginia et attendez un petit peu. Bon, Bruno me fait des signes. Oui, Michel vous en a fait jouer une pièce. Là, ça c'est un mélange de classique et de rock. Hein. Puis une orchestre symphonique sur cet album-là, c'est vraiment excellent pour ceux qui aiment le style. Oui, pour ceux qui aiment le style, là, puis moi j'adore ça, le style, le mélange vraiment du... quand c'est bien fait, là, le mélange de rock et de classique, là, moi j'adore. Puis il y a plusieurs groupes que j'ai eu l'occasion de découvrir là, dans les dernières semaines, justement, qui sont dans ce mood-là. Alors, si vous pouvez me permettre l'expression. Il y a d'ailleurs Verket, qui sont du Danemark. Il y a aussi une nouveauté de la Norvège, Prog Atom, qu'on aura en deuxième bloc d'émission. Il y a également le nouveau I Am The Morning, Ocean Sounds. En fait, c'est des pièces là, qui étaient sur les trois premiers albums, mais c'est un CD-DVD. Et sur ça, ben, on voit les deux musiciens, Gleb Koliadine et Mariana Semkina, dans un petit studio d'enregistrement. Donc on les voit en studio sur l'île de Gisquet et ils font en inédit là, la pièce Blue Sea acoustique sur ce DVD-là qui vient, c'est des DVD et puis c'est une compilation là, de leurs trois premiers albums. On aura la pièce Chalk and Cold, mais juste avant, ben, c'est le doublé italien avec Sindone. Sindone, on aura deux pièces, la pièce d'introduction qui est une pièce instrumentale et la pièce Red Shoes. Sur cet album-là, il y a la moitié des chansons qui sont en langue anglophone, puis la moitié en italien. Et comme je vous dis, un mélange de classique et de rock. Mais pour débuter l'émission, c'est le groupe Carp Tree. Un groupe suédois qu'on suit depuis plusieurs années ici à l'émission, Carp Tree. Ils en sont quand même à leur septième album là, depuis 2001. Et c'est leur nouveau disque, Subimago. Et on aura la pièce Welcome de Carp Tree pour débuter, suivie de Sindone, Marble House et I Am The Morning. faded image of a sketch without a line. Hear me now, light through the gap on the wall. Form a shadow.

Sacrifice to find out this was all a lie. I've never been fine. Of all the incurable suffering, they only offer some pills that will make me sick. No, no. We'll be right back. CKRL 89.1, Québec. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. De retour, on a terminé ça avec la formation russe I Am The Morning. En fait, c'est Gleb Koliadine qui est pianiste et Mariana Semkina. Et c'était la pièce Chalk and Coal. Ça, c'est une pièce qui paraissait sur leur plus récent album, Lighthouse. Puis ça, c'est la version Ocean Sounds Sessions. Donc Ocean Sounds qui vient de sortir en format là, CD-DVD. Et c'est surtout pour le DVD. Là, ceux qui ont déjà les albums, à moins d'être vraiment fan, vous pouvez avoir le DVD. Sinon, si vous n'avez pas ces albums-là, mais ça, c'est pas mal peut-être les meilleures pièces là, des trois albums. Juste avant, ben, il y avait ce qui était, il y avait beaucoup d'orgue. C'était italien, c'est une nouveauté, Marble House, et des jeunes italiens, c'est leur premier disque, Embers. Et c'était la pièce « To make ends meet ». Juste avant, Sindone de l'Italie et de leur nouvel album « Misoginia », les deux pièces d'ouverture de l'album « Medea » et « Red Shoes ». Et on avait débuté avec « Carptree ». « Carptree » qui est de la Suède et c'est leur nouvel album « Subimago », la pièce « Welcome ». Et c'est ce qui débute d'ailleurs ce nouvel album qui est paru hier. Alors, je vous parlais un peu des spectacles qui s'en viennent. Là, bientôt, on va pouvoir voir Gong le 23 novembre prochain. Gong, des nouveaux musiciens. Mais il y a Stevie Lage qui était de la formation originale et de la meilleure période, selon moi, de Gong. Et j'ai bien hâte de voir ça. Ça a l'air que c'est très dynamique. C'est un de mes groupes fétiches. Gong avec Stevie Lage à la salle Jean-Paul Tardy le 23 novembre. Ensuite de ça, ben on va en 2019. Le 2 février, il y a un hommage à Marillion et Rush avec les groupes Camera Eye et Childhood Zen. Alors moi, j'étais de ce concert-là à l'époque quand Rush et Marillion avaient joué ensemble au Colisée. Et il recrée un peu ce spectacle-là. Ça va être à Jean-Paul Tardy le 2 février. Ensuite, le 19 février, il y a Neil Morse Band à la salle Sylvain Lelièvre. Et le 25 février, ce sera à Montréal pour le Neil Morse Band. Ensuite de ça, c'est vrai, il y a le 5 novembre bientôt, il y a le Universe Effects, leur lancement de leur nouvel album Desolation au Petit Champlain. Je ne sais pas s'il reste encore des billets, ça se vendait pas mal vite, là, Universe Effects. Vous savez que le guitariste de Universe Effects est également dans Prog Story, qui seront le 17 novembre à la salle Jean-Paul Tardy. Puis le 23, c'est Gong. Bon. Je parlais du 2 février. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'annoncé? Le 1er mars, The Flower Kings à la salle Jean-Paul Tardy. Et le 30 mars, Arena à Jean-Paul Tardy. Et ensuite, le Festival Terra Incognita, qui est là, la programmation complète est annoncée. Et c'est la 15e édition donc de Terra Incognita les 17, 18 et 19 mai prochains. Alors le 17, le vendredi, il va y avoir ES Project en formule duo. Ensuite Oak et Bjorn Riss, les deux de la Norvège. Le samedi, il y a ES Project qui débute. Ensuite de l'Italie, Basta. Ensuite des États-Unis, Is et Airbag. Et ensuite le dimanche, il y a Inner Space, un groupe de Montréal. Il va y avoir Fido et puis Finistère. Ça va être tout un festival. Les billets sont en vente en contactant, en allant sur la page. Vous pouvez aller sur la page terraincognita.québec ou sur le Facebook, contacter Michel ou contacter le Centre d'art La Chapelle. C'est la 15e édition. C'est absolument incroyable ce qui s'en vient. Dans tous les spectacles encore dans le rock progressif, le monde est tellement vivant. Et parlant de vivant, ben on a une nouveauté. C'est une découverte pour moi, le groupe Prog Atom. Atom Prog. C'est leur deuxième album. Moi, j'avais jamais entendu parler d'eux. Leur nouvel album, Spiral, ça vient juste de sortir. On aura deux pièces de cet album-là. Et on aura également une pièce de Fido, puisque Fido, moi, j'ai très, très hâte de les revoir à Québec en spectacle. Et c'est de Infernal, leur nouvel album. L'excellente pièce From Hydrogen to Love, qui ouvre finalement le side 4, donc le côté 4 pour ceux qui l'ont en vinyle. On y va tout de suite en musique, donc, avec Prog Atom et Fido. Thank you.

one thought about the cost. He keeps hoping for redemption. He is looking for the perfect cross. He is looking for the perfect cross. Time is still slow, nothing left to hide. So tear up the story and smash away the design. Will you go on? Oh, I'm not afraid to die. CKRL. Québec. Pourquoi choisir Matelas Confort? Parce que les prix du fabricant sont les plus bas. Seul Matelas Confort vous offre la qualité des matelas d'autrefois. Une qualité durable. Un fabricant d'ici. Pourquoi choisir Matelas Confort? Toi aussi, je crois. Tes souvenirs, Seigneur. Le jeudi 25 octobre, le Festival Québec en toutes lettres présente Quinca et son magnifique spectacle Chrysalide. J'arrive. Entre le show musical et la performance théâtrale, la reine du spoken word, Quinca, et son band de poésie livrent des textes qui donnent envie de changement. Ce monde est si rude. Le spectacle sera suivi de la 9e nuit de la poésie. Québec en toutes lettres, du 20 au 28 octobre, découvrez la splendeur du vertige. Et de retour, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était un groupe de la Norvège, Prog Atom. Et c'est leur plus récent album, Spiral. C'était vraiment... Moi, j'aime beaucoup ça. C'est chanté dans leur langue. Vous l'avez remarqué, là, surtout dans la première pièce qui a débuté le bloc, là, A Pent Have, parce que la dernière pièce était instrumentale. Et entre les deux, il y avait Fido. Ça, c'était vraiment... En tout cas, moi j'adore Fido. Et puis, cet album-là, cette pièce-là, c'est vraiment la consécration de l'album. Infernal, et c'était la pièce From Hydrogen to Love. On poursuit avec une autre découverte que j'ai faite cette semaine, cette fois-ci, le groupe Verket, V-A-E-R-K-E-T. C'est leur deuxième album. Leur premier était en 2016. Ça a été fondé à Copenhague en 2014. Et c'est très, très, très instrumental. Instrumenté, si on veut, je sais pas si on peut dire comme ça. Il y a beaucoup d'instruments en fait qui collaborent, beaucoup de flûtes, il y a des trompettes ou des cors qu'on entend dans ça, puis c'est excellent. On écoutera la pièce titre de l'album Young Again. Ensuite, la Dottrina degli Opposti que je vous avais présenté là, le printemps passé. Leur excellent album, La Dottrina Arrivederci Sogni. Et on ira avec la pièce Nero, Grigio et tout. Et également, une autre nouveauté de l'Italie, Harmonite. Harmonite, l'album And the Stars Above. C'est leur troisième album pour Harmonite. Un groupe pour lequel il y avait beaucoup souvent des contributions là, dans les projets de Colossus. Mais en tout cas, cet album-là, il y a beaucoup de violon dans ça. Puis c'est ce qui fait la touche, là, les voix, le violon dans cet album-là. Il est très bon. And the Stars Above the Harmonite. On aura la pièce Ghost. Hein, on s'approche de l'Halloween. Ça va être tout à fait dans le ton. Alors, du Danemark, Verket. Ensuite, un doublé italien avec la Dottrina degli Opposti et Harmonite.

CKRL. Communication, culture. Le 27 octobre, l'Halloween, ça se fête à la Korrigane, dans un décor macabre de circonstances. Concours de décoration de citrouille, concours de costumes, prix de présence, bière à la citrouille et autres cocktails et shooters monstrueux. Dès 22h, la piste de danse s'anime au son du groupe The Black Coffees. 5$ à la porte, gratuit pour les gens costumés. Brasserie artisanale La Korrigane, 380 rue Dorchester. Le soir de l'Halloween, plongez dans l'ambiance du Mardi Gras avec l'Orchestre symphonique de Québec. Laissez-vous emporter dans une véritable symphonie carnavalesque avec les performances à couper le souffle du cirque Flip Fabric. Sous les rythmes inattendus de Petrouchka, les archers de l'orchestre défieront les prouesses acrobatiques des saltimbanques. Mercredi 31 octobre à 20h, au Grand Théâtre de Québec. Rendez-vous sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Le dimanche en 5 à 7, montez à bord de Racine Musicale, commandée par des amoureux du reggae. Bigou et Selecta Jalabaman. Quand j'entends le rythme, ce rythme qui existe, le tambour qui fait boum, mesdames, qui bat dans l'harmonie. Une émission qui vibre et qui fait voyager au travers des styles et des années. C'est KRL 89.1. Et de retour à Terra Incognita, ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était le groupe italien Harmonite et leur album And the Stars Above qui vient de sortir. Ça s'est sorti plutôt au mois de mai, je pense. Ça fait quand même quelques mois, mais il y a tellement de découvertes à faire dans toutes les sortes de musique. Et dans le rock progressif, il y a de l'excellente musique. Alors, c'était la pièce Ghost de cet album. On avait eu juste avant la Dottrina degli Opposti. Et c'est leur premier album, Arrivederci Sogni, la pièce Nero, Grigio et tout. Et on avait débuté avec le groupe du Danemark, le vraiment excellent Vær Kett. Et c'est leur nouvel album Young Again. Et c'est la caractéristique, c'est vraiment celui qui joue de la trompette. Qui donne vraiment un son particulier à cette formation. Tous les musiciens chantent dans cette formation-là aussi. Alors, c'est vraiment une belle découverte que j'ai faite dans les dernières semaines. Alors, je voulais partager ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Et on poursuit en musique avec l'excellente formation de Québec, The Deep Project. On les a vus en spectacle, Bruno et moi, puis c'est vraiment bon. Et leur nouvel album, on a eu la chance de l'écouter. Et je vais vous présenter une pièce là, qui n'a jamais joué encore à l'émission. La pièce Life to Spare de la formation de Deep Project. Ensuite de ça, on y va avec en transition avec l'autoroute, là, avec des musiques qui commencent à sonner pas mal à l'année 70. Et le groupe Ring Van Mobius de la Norvège, encore les Norvégiens, ils sont pas mal à l'honneur. Et les Italiens, les Norvégiens, les Suédois, la Scandinavie, l'Italie, on sait que y a de très, très, très bons disques qui se font là-bas, mais pas que là-bas. Il y a donc l'album Past the Evening Sun, c'est leur premier album. J'avais déjà présenté un extrait, là, c'était peut-être au mois d'août, un premier extrait de cet album-là. Là, on a un autre extrait, celui-là, vous allez voir qu'il y a des clins d'œil à Emerson, Lake & Palmer dans ça. La pièce Chasing the Horizon. Et on se reparle parce qu'on fera une transition aussi avec Uriah Heep qui vient de sortir un nouvel album. Alors, on a une pièce de ça. Mais on y va tout de suite d'abord avec The Deep Project de Québec et Ring Van Mobius de la Norvège. Felt the heat before your goal. tell, but strive for the ants as the universe bends. Yes, I strive for the ants. If Mars is playing with my mind, let me know what story of humankind. Covering my head, my eyes go blind. Do I need to know? Yeah. his vibration I am seeing are speaking to my soul. I cannot tell but strive. Mobius, ça c'est un groupe de la Norvège, des jeunes Norvégiens qui font du bon rock comme on en faisait dans les années 70 avec Past the Evening Sun et ce qu'on avait là c'était la pièce Chasing the Horizon, juste avant le groupe de Québec de Deep Project avec leur nouvel album Find Your Sun et c'était la pièce Life to Spare. Vous avez sûrement remarqué les claviers était assez virtuose. Fred Chandle, donc de Glasshammer, qui joue les claviers sur cette pièce. Alors, on poursuit maintenant avec un groupe, un légendaire des années 70, qui viennent de faire paraître un nouvel album. Et il s'agit de Uriah Heep. Pardon. Uriah Heep, qui sont à leur 26e album. Et c'est un style là, qui, en tout cas moi, qui me fait beaucoup penser au plus récent de, dans les plus récents de Deep Purple, là, dans le même genre d'ambiance, là, très très collé sur leurs origines là, des années 70. Oh, alors, on y va tout de suite en musique avec Uriah Heep. We're says so much to you. Unspoken feelings, they will never ever pull you through. When I look to the future and the way the world will end, we have passion for each other. Hurrya Heap. Hey, je te dis qu'il rock encore. Hein? Rocks in the Road, tiré de leur nouvel album Living the Dream. Et ça, c'est ce qui termine l'émission Terra Incognita